Nerveuse, Marianne jouait avec son collier, un bijou que Sam lui avait offert 8 jours plus tôt pour son anniversaire. Mais il avait fallu qu'elle le traîne devant la vitrine du bijoutier. « Si tu veux me faire un cadeau, autant te dire que je rêve de ça. » Le doigt pointé sur un présentoir, elle avait désigné n'importe quoi. Ce qu'elle voulait en réalité, c'était voir sa réaction. D'abord surpris, il avait hoché la tête, puis était entré dans la boutique en l'abandonnant sur le trottoir. Elle espérait autre chose, des mots tendres, une déclaration d'amour. Toutefois, elle avait dû se contenter de sa bonne volonté. 2 minutes plus tard, il lui remettait l'écrin avec un gentil sourire. Quelle idiote! Pourquoi lui avait-elle forcé la main de façon si maladroite? Parce qu'elle avait eu peur qu'il oublie la date? Comme il oubliait tout ce qui la concernait? Si seulement elle avait été plus patiente, plus sereine, peut-être aurait-elle eu droit à une surprise romantique. Non, c'était peu probable. Sam ne serait jamais le prince charmant qu'elle désirait. Assis à côté d'elle, il venait de jeter un coup d'œil discret à sa montre, comme s'il était agacé par le retard de son ex-femme. Agacé ou impatient? Il parlait d'elle avec trop de tendresse pour que Marianne ne se sente pas à la fois jalouse et dévorée de curiosité. Elle avait beaucoup insisté pour l'accompagner ce soir, prétextant qu'elle désirait faire la connaissance de Pascal et éventuellement devenir son amie. Il s'était incliné d'assez mauvaise grâce, ne trouvant pas une seule raison valable de refuser. Elle fut la première à repérer la jeune femme qui venait d'entrer dans la salle. Silhouette élancée, mise en valeur par un jean moulant et un blouson très court, portée sur un simple chemisier blanc dont le col était relevé. De longs cheveux noirs lisses et brillants, retenus par une pince fantaisie, et de grands yeux sombres en amande, tranchant sur un teint mat. Avec un pincement au cœur, Marianne comprit que Pascal Fontanelle était exactement son contraire. La brune et la blonde, la mince et la ronde. Déjà debout, Samuel souriait avec une exaspérante béatitude. « Comment vas-tu ? » La question n'était pas de pure forme. Il semblait réellement intéressé par la réponse. Passant un bras protecteur autour des épaules de Pascal, il se souvint enfin de la présence de Marianne. « Je te présente Marianne, une amie, et voici Pascal. » « Une amie ?» Vexée, Marianne parvint néanmoins à sourire en marmonnant une phrase de bienvenue tandis que la jeune femme prenait place en face d'eux. « Tu sais que je venais déjà ici avec papa et Adrien quand j'avais 10 ans, » déclara-t-elle d'un air ravi. « Aux abattoirs ? » ?»« Oui, on déjeunait là les samedis où maman voulait faire ses courses à Toulouse. Rien n'a changé, même pas les banquettes. J'espère que la viande est toujours aussi bonne. » Sa voix était grave, un peu rauque, au contraire de celle de Marianne, plutôt haut perché. « Je vais prendre une bavette saignante, » décida-t-elle après un regard rapide sur la carte. Lorsqu'elle releva la tête, son regard se posa sur Marianne. « Merci de me consacrer votre soirée. Je vais essayer de ne pas vous assommer avec cette histoire d'achat de maison. » « Il n'y a plus grand-chose à faire, » trancha Samuel. « Ton dossier est accepté. La banque débloquera les fonds le jour de la signature chez le notaire. Tu leur feras parvenir ton nouveau contrat de travail quand tu l'auras signé, mais c'est juste une formalité. Pourquoi ? Ils s'imaginent qu'un pneumologue au chômage, ça n'existe pas ? Quelque chose de ce genre. De toute façon, le crédit comporte une assurance, et n'oublie pas qu'ils auront payroll en hypothèque. « Je ne risque pas d'oublier, » fit-elle en riant. Est-ce qu'elle trouvait drôle de s'endetter pour 10 ans ? Sam avait passé un temps fou à s'occuper des affaires de son ex-femme, et Marianne estimait qu'il lui accordait beaucoup trop d'importance. « Nous avons rendez-vous demain matin à 9h avec Laurent Villeneuve, » rappela-t-il à Pascal. « Tu verras, il est très sympa pour un directeur d'hôpital. » Cette fois, Marianne se sentit gagnée par la mauvaise humeur. Elle aussi travaillait au CHU, mais simple secrétaire administrative, elle n'appartenait pas à l'élite composée de la direction, des chefs de service, des médecins, à la rigueur des infirmières. Un groupe que Pascal Fontanelle allait rejoindre dès son arrivée. « Laurent est un excellent pilote, » ajouta Sam. « Et nous sommes membres du même club. Il va falloir que tu t'inscrives. » Dubitative, Pascal secoua la tête, ce qui libéra sa masse de cheveux noirs. Elle ramassa la pince tombée sur la table et se mit à jouer avec. « Pour l'instant, j'ai d'autres priorités financières. Et si j'ai trop envie de voler, tu m'emmèneras faire un tour. Est-ce que vous aimez ça, Marianne ?»« Je ne sais pas. Samuel ne m'a pas encore initiée. » Elle avait répondu un peu sèchement, mais il s'agissait d'un sujet délicat. Pour Sam, l'aéroclub était un territoire très personnel et il n'avait jamais proposé à Marianne de l'accompagner. Elle se consolait en supposant qu'il préférait rester entre hommes, avec ses copains. Pourtant, il venait d'inclure Pascal avec enthousiasme. « Si vous y allez un de ces jours, je viendrai volontiers », lança-t-elle d'un ton qu'elle espérait désinvolte. « Tu peux monter sans crainte avec elle dans un hélico », affirma Sam. Il devait s'agir d'un compliment, un de plus au milieu de toutes les gentillesses qu'il réservait à son ex-femme. « En tout cas, les premiers temps, reprit Pascal, je ne crois pas que j'aurais envie de refaire la route de Toulouse pendant mes jours de congé. Je suis très heureuse que tu m'aies obtenu ce poste à Purpan. Mais si un jour il y a une possibilité à l'hôpital d'Albi, j'avoue que je serai soulagée. « Pascal !» protesta Sam. « Après Necker, l'hôpital d'Albi te ferait l'effet d'une infirmerie de brousse. » La plaisanterie la fit éclater de rire et Marianne se renfrogna davantage. S'il devait entrer dans l'une de ces discussions chères au toubib, elle allait mourir d'ennui. « C'est un bon hôpital. Il me conviendrait parfaitement. Et il y a aussi la clinique Claude Bernard, avec ses 200 lits et ses 10 salles d'op. Je me suis renseignée, Sam. » « Les trajets en voiture, c'est la plaie, » intervient Marianne. « Je comprends que Pascal ne veuille pas y consacrer tout son temps libre. Surtout avec la circulation démente de Toulouse. Certains soirs, il faut compter une heure pour sortir de la ville. » Autant ne pas lui brosser un tableau idyllique de la situation. Habiter à 80 km de son lieu de travail n'aurait rien d'une partie de plaisir. Et plus tôt Pascal se replierait sur Albi, mieux ce serait pour tout le monde. Marianne vida son verre pour se donner du courage. Puis, d'un geste délibérément sensuel, elle posa sa main sur celle de Samuel. « Je reprendrai bien un peu de vin, mon amour. » Il se dégagea pour saisir la bouteille et la servit sans un mot. Même s'il était contrarié, elle ne regrettait pas d'avoir mis les choses au point. Non, elle n'était pas une amie. Elle était sa maîtresse, la femme avec qui il allait rentrer chez lui, celle à qui il ferait l'amour ce soir. Face à eux, Pascal les observait d'un air amusé, indulgent. Apparemment, elle ne s'offusquait pas de voir son ex câliner par une autre, ce qui procura une bouffée de soulagement à Marianne. « Où es-tu descendue ?» demanda Sam. « À l'hôtel des Beaux-Arts. » « Je passerai te prendre à 8h30 demain matin, » proposa-t-il tout en faisant signer un serveur. Il régla l'addition et ils sortirent tous les trois dans l'air doux de la nuit. « Je vais rentrer à pied, ce n'est pas loin, » décida Pascal. « Merci pour le dîner, Sam. » Elle le prit par le cou pour l'embrasser légèrement sur la joue, puis se tourna vers Marianne. « Je suis très contente de vous connaître. À bientôt, j'espère. » De son pas décidé, elle s'éloigna sans se retourner le long de l'allée Charles de Fitte, en direction de la place Saint-Cyprien. Par la rue de la République, elle n'aurait plus qu'à franchir la Garonne pour gagner son hôtel. Comme il n'était pas très tard, les passants étaient encore nombreux et Pascal ralentit un peu l'allure afin de profiter de sa promenade. Sam lui avait paru crispé tout au long de la soirée, mais peut-être avait-il été embarrassé par la présence de Marianne. Dans ce cas, elle s'en expliquerait avec lui. Il avait le droit de refaire sa vie et cette fille-là semblait aussi bien qu'une autre. Et très amoureuse. Du moins avait-elle cru nécessaire de l'afficher. Bien entendu, Sam méritait amplement d'être aimé. Personne ne pouvait être plus gentil que lui, plus charmeur quand il le voulait. Et c'était aussi un homme solide, altruiste, généreux. S'il n'était plus son mari, il restait son ami, son meilleur ami, le seul à l'avoir soutenu ces derniers temps, et elle trouverait bien un moyen de lui prouver sa reconnaissance. Avait-il besoin de son absolution pour être heureux avec Marianne ? Sur le pont neuf, elle s'arrêta un instant en haut du dos d'âne. Un musicien assis par terre jouait mélancoliquement du saxo et quelques pièces de monnaie luisaient autour de lui. Pascal se pencha pour déposer 2 euros à ses pieds, puis elle poursuivit son chemin. Elle ne savait pas encore si elle allait aimer Toulouse, ni l'hôpital Purpan, mais elle était certaine d'avoir pris la bonne décision en changeant radicalement sa vie. Habiter Pérol allait être une aventure merveilleuse, pour laquelle elle se sentait prête à se battre s'il le fallait.